la Similoutin contre Flipper le dauphin. Salut, je suis Krusty Saucisse et voici mon ami la Similoutin. Mon ami la Similoutin, mon ami la Similoutin, mon ami la Similoutin, mon ami la Similoutin, mon ami la Similoutin. La Similoutin, la Similoutin, viens mon gentil chien. Ah, tu étais encore en train de fureter dans le jardin à la recherche de quelques charognes sur laquelle frotter ta truffe humide. Ça crie-pant. Mais que dirais-tu d'une petite visite chez grand-mère Gaze? Comment? Que dis-tu? Ah, vous autres les animaux, vous n'avez vraiment pas le sens du verbe. Je me demande comment un chien tel que toi a pu voler la vedette à un jeune garçon aussi attachant que moi. Ouf. Certes, allez, en route. C'est qu'il y a du chemin jusque chez grand-mère Gaze. Pendant ce temps-là, chez grand-mère Gaze. Bah, qui me dérange, Astar? J'étais sur le point de mourir. On peut jamais être tranquille. Ouvrez-moi, grand-mère Gaze, je sais que tu es là. C'est moi, Flipper. Il fait froid dehors, ouvrez vite. Oh, Flipper, je t'ouvre, mais tu aurais dû te couvrir. Oh, vous autres les animaux, vous perdez donc jamais cette mauvaise habitude de vous trimballer à poil. Pour étonnant que vous soyez dans la merde. Mais grand-mère! Oh, il ne m'interrompt pas quand je parle. C'est pas à moi que tu viendras te plaindre quand tu te feras prendre dans un filet de pêche, jeune voyou. Allez, assis-toi et prends un gâteau mou. Je vais te faire chauffer du thé. Merci, grand-mère, mais tu sais, ça n'était pas pour cela que j'ai passé te voir. Voilà, c'est bientôt les étrennes. Et je projette de m'offrir un beau voyage. Mais seulement, c'est un peu loin pour y aller à la nage. Oh, je te vois venir avec ton gros bec. Tu vas me demander de l'argent pour te payer un billet d'avion, hein? Puisque nous ne servons qu'à ça. Nous, les pauvres vieux qu'on se met sans héros, sans jamais le moindre cadeau, nous ne servons donc qu'à financer les fantasmes d'animaux stupides. Mais tu as raison, je vais probablement te donner cet argent. Car aujourd'hui, je suis vieille et malade. La vie m'a pas mal amoché. Il me reste maintenant très peu de temps pour profiter du peu d'argent qui me reste. Vois-tu, Flipper, je suis arrivé au bout du chemin. Je me sens de plus en plus faible et... Oh, mais c'est pas possible, on n'est jamais tranquille. J'étais de nouveau sur le point de mourir. Qui est-ce? C'est moi, grand-mère. Oh non, grand-mère, c'est moi. Non, je veux dire, c'est moi, Krusty Saucisse. Eh bien, tu t'exprimes bien mal. Et je suis venu avec mon ami, la Similoutin. Ouf. Mon ami la Similoutin, mon ami la Similoutin, mon ami la Similoutin, mon ami la Similoutin, mon ami la Similoutin. Eh bien, entrez. Prenez donc un gâteau mou, ils sont à peine périmés. Je vais préparer plus de thé. Oh, mais toi aussi tu es là, Flipper. Bonjour. Bonjour, Krusty. Et bonjour à toi, la Similoutin. Ouf. Mais que fais-tu là, gentil dauphin? Eh bien, vois-tu, jeune Krusty Saucisse, je suis venu rendre une petite visite à grand-mère Gaze afin d'obtenir une somme d'argent suffisante pour pouvoir me payer un billet d'avion vers les États-Unis. Là-bas, j'y ferai exploser un barrage qui inondera la quasi-totalité des surfaces sèches du globe terrestre. J'y rendrai ainsi l'environnement hostile à la vie humaine et permettrai aux dauphins, la race supérieure, de régner en maître sur la planète. Si seulement vous ne m'en aviez pas empêché, sale gamin! Mais personne ne t'en empêchait, Flipper! Nous n'étions même pas au courant de tes plans machiavéliques. Ouf. De toute manière, personne ne bougera d'ici. Vous allez rester ici bien sagement, attendre ma mort tout en mangeant des gâteaux mous. Mais grand-mère, le sucre des biscuits est un danger mortel pour les chiens. Non, ta gueule.